On va parler de la NCAA. C'est la dernière chronique de la NCAA avec mon ami Wallet. C'est plate parce que j'aime bien ça collaborer avec Wallet. Salut Wallet! Salut Danny, ça va bien? Oui, ça va bien, ça va bien. Écoute, j'ai gagné mon pari. J'avais dit Oui. que LSU allait l'emporter. J'avais mis. Non pas que Clemson méritait pas leur place, mais LSU joue tellement dans une division forte que ils l'ont pas volé. Puis Joe Burrow a vraiment. Tu me corriges, je me trompe. Vraiment, il était déjà pratiquement assuré d'être le premier, mais là, je pense qu'il a solidifié sa première place au prochain repêchage. Oui, tout à fait. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à retenir de ce match-là. Premièrement, comme tu l'as mentionné, victoire de LSU 42-25. C'est une fin de match qui n'a pas été tant serrée, là, spécialement là, au milieu du troisième quart jusqu'à la fin du match, mais la première demi est chaudement disputée. Clemson avait souvent l'avantage sur le placement de terrain de LSU. Là. Joe Burrow a dû partir les deux premières séquences à l'attaque quasiment dans sa zone de début. Donc, c'est assez Ouais. intéressant de voir là, que Clemson ont eu 2 semaines pour se préparer à Joe Burrow. Puis Joe Burrow a seulement eu besoin de 2 séquences à l'attaque pour faire runner son attaque. Là. Comme tu l'as mentionné, il termine le match avec 5 touchés par la passe, 1 au sol. Au final, c'est 60 touchés par la passe cette saison, Hey, 65 incroyable. touchés tout total. C'est 2 nouveaux records au niveau du college football. Puis, comme tu mentionnais là, dans la chronique d'avant-match, un peu plus tôt cette semaine, battre des records comme ça, c'est impressionnant, mais le battre dans la SEC avec l'horreur que LSU a eu cette année, c'est complètement c'est incroyable là, qu'est-ce que Joe Burrow a fait cette saison. Beaucoup d'analystes là, commencent à dire que Joe Burrow a connu la meilleure saison de l'histoire du college football. Oh. Puis quand on commence à comparer les chiffres, c'est assez difficile de dire le contraire. Du côté de Clemson, là, je pense que qu'est-ce qui a peut-être fait la différence, c'est au niveau de l'attaque au sol. Là, on sait là, que Trevor Lawrence a connu un bon match, mais un peu comme qu'on se parlait là, dans notre chronique d'avant-match, je pense que la tertiaire de LSU a fait le travail, puis ça a fait en sorte que Trevor Lawrence n'a pas connu le meilleur match de sa carrière. Puis on dirait que l'attaque au sol, ça fonctionnait tout simplement pas. Moi, le point marquant que je vais noter dans ce match-là, c'était au troisième quart quand que Trevor Lawrence avait rejoint T. Higgins pour qu'est-ce qui aurait dû être une passe de toucher, mais T. Higgins a reçu une pénalité pour. Je connais pas le mot en français, mais pass interference, obstruction offensive dans le fond. Puis Clemson ont été obligés de dégager 2 jeux plus tard. Là, je pense que ça aurait pu changer l'allure du match, mais au final, c'est une saison de rêve pour LSU. Puis faut rendre à César qu'est-ce qui appartient à César. Là, ça a été un gros match pour eux, une saison exceptionnelle. Puis je pense qu'ils méritent à 100% qu'est-ce qui est arrivé pour eux cette semaine. Joe Burrow est premier. Ben, je regardais, je voulais t'en parler. J'ai vu sur Blue Pennant. Tu connais la gang de Blue Pennant? C'est un site Oui. français, puis très très bon. Puis c'est ESPN qui a sorti ça récemment. Parce qu'on sait que on parle beaucoup du centième de la NFL, mais c'est 150e également du college football. Puis on a sorti les équipes d'étoiles. Puis on voit Roger Staubach premier, meilleur quart de l'histoire. Après ça, Peyton Manning deuxième. Tu penses que Joe Burrow pourrait être là-dedans? Ben, je pense qu'avec qu'est-ce qui s'est dit sur lui dans la dernière semaine, là, surtout depuis lundi soir avec les Ouais. records qu'il a battus, de la manière qu'il a battu tous ses adversaires, moi je pense qu'on pourrait facilement, là, avec le recul, dire que Joe Burrow, tu sais, comme je l'ai dit, je veux pas parler trop vite parce que, regarde, il y en a eu des corps exceptionnels, il y en a à chaque saison, mais qu'est-ce que Joe Burrow était en mesure de compléter tout au long de la saison contre des équipes étoiles, là. Comme qu'on mentionnait plus tôt cette semaine pour aujourd'hui. Joe Burrow évolue dans la SEC, beaucoup de joueurs là, qui vont jouer dans la NFL, puis tu mets des statistiques comme ça au tableau semaine après semaine, puis tu connais une saison exceptionnelle. Moi, je pense que avec le recul, là, peut-être quand on va tirer les 175 ans de la NCAA dans 25 ans, on va probablement parler de Joe Burrow comme un des meilleurs quarterbacks de Le fait l'histoire. qu'il y a 23 ans, est-ce que c'est parce qu'il y a 23 ans, c'est quand même assez âgé, c'est un senior, mais c'est quand même assez âgé, est-ce que ça a un impact là-dessus? Ben, c'est sûr que la maturité va être un peu plus présente qu'un corps arrière, exemple Trevor Lawrence qui a 20 ans. Moi, je pense que ce qui a aidé beaucoup, c'est que Joe Burrow a pu profiter de ce qu'on appelle, une fois que tu es gradué et que tu transfères, ben, techniquement, tu appartiens à l'école, tu peux faire des cours un peu à droite et à gauche comme ça, mais ton diplôme est déjà obtenu. Donc, Joe Burrow, lui, a fait un diplôme, une maîtrise, si on veut, l'équivalent d'une maîtrise en arts plastiques. Il avait terminé son bac, si je ne me trompe pas, en sciences. Puis, dans le fond, il pouvait se concentrer vraiment sur son football en ayant des coups de foudre ici et là. Donc, je pense que c'est vraiment ça qui va l'avoir avantagé. C'est le fait que c'était un joueur qui a transféré avec déjà son diplôme, puis il n'avait pas besoin de se concentrer autant de façon Ouais. académique que d'autres joueurs auraient eu à le faire. Là, j'ai hâte de voir ce qui va arriver avec les Bengals Cincinnati parce que j'ai hâte de voir si on va le protéger. Ça va, on va investir beaucoup dans la ligne à l'attaque. C'est bien beau avoir Joe Burrow, mais faut bien le protéger aussi. C'est ça qui est Puis je te important. dirais que moi, c'est. Tu sais, je veux pas me dire professionnel ou un expert de la NFL, là, mais quand on regarde là, les 15 dernières années avec les Bengals, Carson Palmer, c'était pas un mauvais joueur là, une fois sorti du college football. Même chose avec Andy Dalton. Puis, ils ont connu des succès, mais ils sont jamais retournés au niveau qu'est-ce qu'on connaissait d'eux au niveau du college football. Donc, on va espérer que Joe Burrow va avoir une meilleure histoire à raconter dans 10 ans. Puis, comme tu viens de le mentionner, moi, je pense que. C'est Tu la repêches clé. Joe Burrow, tu gardes Andy Dalton peut-être pour un an, puis tu essaies d'entourer Joe Burrow le mieux possible pour 2021, puis c'est ça. Je suis d'accord avec toi là-dessus. Wallet, il me reste qu'à te remercier encore une fois. Ça fut fort agréable encore une fois cette année. Donc, moi, j'ai aimé Ouais. ça. On va recommencer l'été prochain. Mais évidemment, il y a le repêchage qui s'en vient. Il y a les combines, puis ça, c'est Exact. très important aussi, qui s'en viennent. Tout ça, c'est 3 semaines après le Super Bowl, c'est à la fin février. Et au plaisir de se reparler l'an prochain. Puis merci beaucoup, Wallet. Ah, ça fait plaisir. Puis si t'as du temps pour qu'on se parle là, Ouais. dans les semaines avant le repêchage, là, je vais être plus que content là, de discuter avec toi. Puis OK. j'espère qu'on va continuer de grossir la famille de fans de college football au Ben, Québec. j'espère, parce que comme j'ai dit entre lundi, je trouve ça dommage que le match n'était pas présenté en français. Écoute, mais c'est sûr que le football collégial américain, il n'y a pas beaucoup de monde qui suit ça au Québec, mais c'est en parlant qu'on va aimer ça, puis qu'on va gagner des fans. Effectivement. Je Ouais. pense qu'il y a de plus en plus de fans de la NFL qui se rendent compte que ben si je suis la NCAA, je suis en mesure de savoir quelle sorte de joueur mon équipe repêche la saison suivante. Je pense qu'on l'a vu dans le match là, contre LSU puis Clemson. Je pense qu'il y a environ 20 joueurs là, sur le terrain qui devraient sortir dans les 2 premières rondes, que ce soit cette saison ou l'an prochain. Donc, c'est des joueurs qu'on veut connaître avant même qu'ils arrivent dans la NFL pour justement savoir un peu à quoi s'attendre. Ben, effectivement, ce qu'il faut connaître le plus, c'est sûr que pour un débutant, tu suis le SEC, tu suis le Big Ten, puis le Pac-12. C'est pas mal les plus. Les trois. Puis t'as le Big 12. T'as les quatre divisions. C'est pas mal les quatre divisions qu'il faut que tu suives parce que les meilleures équipes se retrouvent toutes là. Ouais, Effectivement. Wallet, un gros, gros merci. Au plaisir de se parler, puis on se reparle au repêchage. Excellent. Notre Salut, Dan. ami Wallet et la chronique de la NCAA.